6 canciones para empezar el día. Bienvenidos al episodio número 136 de las 6 de la mañana. El día de hoy es 26 de febrero de 2011. Hola, mi nombre es Pepe Barrascut y desde Guatemala les presento 6 canciones para iniciar el día. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con mucha energía y positivismo este nuevo día. La selección musical de hoy ha sido especialmente formulada para que nuestro día empiece con mucha energía y de forma positiva. Los dejo con la selección musical de hoy, que la disfruten. voz a decir. Basta de silencio. Notamment le caillassage. Donc c'est une arme calibre 12 à deux coups qui tire des balles en toi. À une dizaine de mètres, un individu, s'il est bien touché, il reste par terre. Le Taser X26, 50 000 volts dans un pistolet électrique. Officiellement, il est sans danger. C'était la douleur la plus atroce que vous puissiez imaginer. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai cru qu'il m'avait tiré dans la tête. international, le taser peut tuer. Il serait déjà impliqué dans plus de 150 décès aux États-Unis. Symptômes que vous avez ressentis après avoir été tasé. J'ai eu des douleurs de poitrine. I had a headache. Des maux de tête pendant au moins 2 semaines. At least 2 weeks. Et ils étaient si forts que j'en perdais la vue. Blind headache. But it was the chest. Il y avait surtout cette douleur dans la poitrine. Je sentais bien que quelque chose n'allait pas. Effectivement, 8 mois après son agression, Gary fait un infarctus et passe 5 jours dans le coma. 10% de son cœur ne fonctionnera plus jamais. Yes, yes, yes. Pour son cardiologue, c'est sûr, il s'en est fallu de très peu. Problème, à force de le présenter comme un gadget, le taser devient l'arme de la bavure. We'll be right back. L'homme sans tête, sans tête, sans tête, adore les pirouettes, cacahuètes. Jamais ne suppose, fille en rose, qu'il puisse y avoir autre chose, autre chose que les roses. Il ne cause à personne et n'a pas Dieu pour voir. Dieu, les choses qui nous sonnent et nous sommes de faire mieux. Tous les murmures qu'il dresse devant lui ne sont pas à pas qu'un obstacle qui s'octroie. L'homme sans tête, sans tête, sans tête, adore les pirouettes, cacahuètes. Jamais ne suppose, fille en rose, qu'il puisse y avoir autre chose, autre chose que les roses. Il n'entend rien à rien et ne sent pas l'élégance du rêve d'innocence que son cœur lui lance. Tous ces murmures résonnent dans un globe. Fais gaffe, on te fait croire que c'est des conneries que tu gobes. Jamais ne suppose, fille en rose, qu'il puisse y avoir autre chose que les roses. Jamais ne la remue, la secoue, ni la baisse, de peur de la perdre, ou pire qu'elle se blesse. Tous ces murs sans miroir, sans trame, reflètent l'absence de relief d'un homme sans âme. Just from Mexico, M-E-X-I-C. Las 6 de la mañana es un podcast diario con una selección musical preparada para que iniciemos con energía y positivismo cada nuevo día. Hemos llegado al final de este episodio. Espero que la selección de hoy haya sido de tu agrado. Puedes dejar tus comentarios en quechilero.com/blog. Que tengas buen día, hasta la próxima emisión, cuando nos escuchemos a las 6 de la mañana.